ce qu'on en fait. Qu'importe les choix, les regrets, on rêve. On rêve. L'évidence d'un tel succès, l'apparence de nos rejets, du rêve. Du rêve. Chauffé par les projecteurs qui vous montrent tout en couleur, sans trêve, sans trêve. Transpirer sur des chansons, mettre à nu toute sa raison, ses rêves, ses rêves. Regarde-moi, garde-toi. Ainsi le rêve évolue. On se retourne dans la rue. Paraître, paraître. Bonjour, visage inconnu. Tu me connais, moi non plus, j'en crève, j'en crève. Décidons de nous revoir dans une étreinte d'un soir. Si la magie prend, ce n'est pas vrai que tout fout le camp. En miettes, en miettes. Regarde-moi. Garde-toi. Le jour où tout ça finit, tes vieux cons aigris et gris, t'en crèves, t'en crèves. Mais ne présageons de rien, personne ne sait son destin, ou presque, ou presque. Ainsi viennent les matins, passent les femmes, les chagrins d'hiver, d'hiver. Mais pour l'instant j'y suis pas, c'est l'été là devant moi, si frêle.